Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini-Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site Internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-80. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 418-679-4194. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670 Boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Collaborateurs de CKJ, Michel Tifo et Dominique Bolduc ont bien commencé l'année. Ils ont interrogé sur les ondes de CKJ leur première émission de l'année 2019, Michael Kingsbury. Donc, on écoute cette entrevue. Bolduc. Notre invité dans le vestiaire est le champion du monde dans les bosses en ski. Il a été nommé l'athlète de l'année au Canada en 2018. Son nom, et vous le connaissez pour ceux qui suivent le ski et le sport amateur, Michael Kingsbury. Bonjour, bienvenue à notre émission, Michael. Salut, merci beaucoup. Et bravo pour le titre d'athlète de l'année en 2018. Qu'est-ce que tu retiens de ce prestigieux Méritos? Ce que je retiens, en fait, c'est une saison de rêve pour moi, c'est sûr. C'est sûr que l'événement qui était la plus importante pour moi, c'était les Jeux olympiques. Puis le fait que la seule médaille qui me manquait, en fait, en or à mon palmarès, c'était la médaille d'or olympique. Puis l'avoir fait, d'avoir battu aussi d'autres records, d'avoir gagné ma 50e victoire dernièrement en Finlande il y a un mois. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que je pense que c'est pour ça que j'ai mérité les derniers trophées récemment d'athlète de l'année au Canada. Dans les pentes, Michael, quel est ton adversaire le plus féroce? Dans les pentes, mon adversaire le plus féroce, je pense que c'est un Japonais. Il s'appelle Ikuma Horishima. Présentement, il est troisième au rang mondial. C'est un skieur qui est un peu moins constant que moi. Il a des super bonnes habiletés, mais c'est un gars qui va toujours à 100 000 à l'heure, toujours à 100%. Donc, il est très difficile à battre. Il manque un peu de constance. Sinon, présentement, il y a un Français qui est deuxième au rang mondial. Quasiment pas raté de podium dans la saison. Donc, la compétition est forte présentement, mais c'est ce que j'aime, puis ça me pousse à vraiment être à mon meilleur à tous les jours. Michael, quand je regarde les compétitions de ski de boss, je me pose toujours la question, quelle sorte de genoux ces athlètes-là ont-ils? Comment sont les tiens, tes genoux? As-tu des ressorts des genoux? Non, j'ai des genoux un peu comme tout le monde. C'est sûr que moi, j'ai... Je passe beaucoup de temps en salle, en entraînement pour renforcer un peu ce qui est autour de mon genou. Je fais beaucoup d'étirements, beaucoup d'exercices qui font en sorte que mes genoux sont capables de prendre les impacts que j'ai dans les bosses ou dans les sauts. Donc, en fait, c'est c'est pas des genoux bioniques ou rien comme ça. J'ai des genoux comme tout le monde. C'est juste que je les entraîne pour être capable de prendre tous ces impacts-là. Quel est l'endroit où tu aimes le mieux skier au monde? L'endroit, il y en a plusieurs endroits que j'adore, mais au monde que j'aime. J'adore skier au Japon en général. Notre sport au Japon, il est vraiment populaire. C'est tout le temps fun de voir qu'il y a plein de jeunes là-bas qui sont fans de moi. La neige est super belle. Donc, je pense que c'est toutes ces choses-là. J'adore les sushis aussi. On dirait que ça regroupe toutes des choses que j'aime, puis long là-bas. Sinon, j'adore la Suisse, toutes les montagnes en Suisse. Moi, c'est incroyable. Aimes-tu mieux participer aux Jeux olympiques comme à des Coupes du monde et pourquoi? La différence, c'est que les Jeux olympiques, pour nous, c'est une fois aux 4 ans. C'est une compétition. Puis, tu sais, c'est celle qui est la plus médiatisée. C'est celle qui est la médaille la plus convoitée dans notre sport. Donc, tout le monde veut gagner les Jeux olympiques, c'est sûr. Donc, ça met beaucoup de pression sur tous les athlètes à être à leur meilleur pour cet événement-là qui revient une fois aux 4 ans. Mais sinon, les Coupes du monde, c'est comme notre saison. C'est le circuit qu'on suit à chaque année. Donc, les deux sont super importants. Je pense qu'il n'y a aucune compétition à prendre à la légère. Mais les Jeux olympiques, c'est vraiment un summum dans notre sport à pouvoir gagner. Mais comme je me prépare autant aux Jeux olympiques qu'à n'importe quelle Coupe du monde, j'essaie de toujours être à mon meilleur. Puis pour donner le meilleur show aux fans qui viennent nous voir un peu partout dans le monde. Michael Kingsbury est toujours en voyage. C'est sûrement 8-9 mois là, à l'extérieur du pays. Quels sont tes projets? Quelles sont les prochaines compétitions pour toi là, pour 2019? Moi, en fait, en 2019, là, demain, je m'en vais à Calgary. On a une compétition le 12 janvier. Puis après ça, je reviens ici à Montréal. Je vais conduire jusqu'à Lake Placid, qui est pas trop loin. Puis on a la Coupe du monde au Mont-Tremblant le 26 janvier. Donc, j'invite tout le monde à venir nous voir. C'est la seule fois qu'on compétitionne au Québec. Puis c'est vraiment un bon show. Il y a tous les meilleurs skieurs de boss au monde qui sont présents. Puis après ça, c'est les championnats du monde à Salt Lake City, à Deer Valley, au Utah. Puis après ça, on s'en retourne en Asie pour finir en Europe. Donc, beaucoup de voyagements, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Il y a un parc qui porte ton nom à deux montagnes. Ça doit être gratifiant d'avoir un parc à son nom. Ouais, ça, c'est une belle surprise. En fait, ils ont nommé le parc après que j'ai gagné la médaille d'argent à Sochi en 2014. C'est sûr que j'avais 21 ans à ce moment-là. Puis avoir 21 ans, puis avoir un parc déjà qui porte ton nom, avoir le gymnase aussi de mon école secondaire qui porte mon nom, pour moi, c'est vraiment des belles hommages que ma ville me fait. Je pense que je suis le premier Olympien aussi de l'histoire de Deux Montagnes et le seul médaillé aussi. Donc, c'est vraiment spécial. C'est des choses que... t'attends pas vraiment. T'sais, moi, je fais du ski. J'ai commencé ça parce que j'aimais ça, puis j'ai travaillé fort, puis je me suis rendu au niveau que je suis rendu. Je suis premier au rang mondial. Je peux gagner ma vie avec ça, puis de voir que j'ai vraiment du sport derrière moi avec de ma ville, mais aussi tout le monde alentour de moi. C'est vraiment spécial. Qui t'a donné la piqûre? C'est qui ton inspiration pour le ski en bosse? Ben, c'est sûr que j'imagine que vous connaissez tous Jean-Luc Brassard, oui, champion olympique en 94. À l'Île-la-Mer, oui. Oui, à l'Île-la-Mer. Moi, malheureusement, en 94, j'avais 2 ans, donc j'ai pas eu la chance de le voir performer de mes yeux. Mais j'ai revu après ça en reprise. J'ai eu la chance de le côtoyer aussi beaucoup par après. C'est une personne qui est exceptionnelle sur les pentes, autant sur les pentes qu'en dehors des pentes. Il y a eu Alex Bilodeau par après en 2010 qui est champion olympique à Vancouver. Donc j'avais des très bons modèles qui étaient très près de moi aussi. Donc c'est facile avec un sport comme le ski. C'est plus petit, c'est pas aussi gros que l'hockey. Donc tu as la chance vraiment de pouvoir côtoyer tes idoles de jeunesse souvent durant l'hiver. Puis ils m'ont toujours bien conseillé. Donc, j'essaie de continuer à traîner le flambeau, puis c'est à mon tour là, d'inspirer plusieurs autres jeunes pour le futur. Me pose souvent la question à savoir si les postes de radio à Montréal parlent de ski, parlent de ski de boss régulièrement. Est-ce que tu donnes des entrevues dans les postes de radio à Montréal ou ailleurs au Québec? Ouais, ben j'en ai donné quelques-unes, c'est sûr, durant l'année à Montréal, un peu partout. Mais en dehors, à part aux Jeux Olympiques, je pense que j'ai parlé à des stations de Québec, mais j'ai jamais vraiment fait beaucoup de radio nécessairement dans autre région que Montréal et Québec. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de vous parler. Ben, c'est très gentil. Est-ce que Michael Kingsbury est reconnu sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, par exemple? C'était un joueur du Canadien comme Carey Price ou Max Domi ou ben chez Weber, tout le monde le reconnaît. Ouais. Est-ce que Michael Kingsbury à Montréal est reconnu quand tu vas dans un restaurant? Ouais, ben c'est drôle que tu dises ça parce que tantôt je suis allé sur Sainte-Catherine. J'avais besoin d'aller faire une petite commission, puis oui, je me suis fait reconnaître. Donc ça arrive de temps en temps, mais c'est rien de fatigant. C'est sûr que si je vais dans les Laurentides d'où je viens, je me fais beaucoup plus reconnaître. C'est normal, c'est de là que je viens. À Montréal, ça arrive quand même de temps en temps. Je te dirais que c'est presque à tous les jours au moins une personne, mais ça fait toujours plaisir de voir que le monde me soutiennent, puis que je suis capable de les inspirer un peu avec ma performance, même s'ils font du sport ou pas de sport. C'est toujours ça fait toujours du bien. On comprend pourquoi tu as été nommé l'athlète de l'année au Canada. Tu es un gars très accessible, très gentil. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler à la radio du Saguenay et on te souhaite une belle fin de carrière, Michael Kingsbury. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis salut à tout le monde dans votre coin. Ça fait longtemps que j'ai pas été, puis j'ai hâte de venir vous. As-tu déjà skié ici au Val-Inouin, au Mont-Édouard? As-tu déjà skié dans le coin? Non, même pas. Je suis jamais venu skier dans le coin, donc. Okay. Il va falloir que je vienne faire un tour bientôt. Si tu viens, tu nous contactes, on va t'organiser une balade. Yes, sir. Merci beaucoup. Michael Kingsbury, le champion des boss, champion du monde. Je suis certain que demain, j'appelle...